بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 32 dans l'explication de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah dans son livre Qurratu Uyun al-Muwahhidin et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah de ce livre. Et on commence donc maintenant l'explication du troisième hadith du deuxième chapitre, le chapitre qui s'intitule Babu Fadli al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché, ce qu'il expie de nos péchés. Et on a lu jusqu'à date le verset et les deux premiers hadiths, le hadith de Ubadah ibn Samit et ensuite le hadith de Itban. Maintenant on va lire ensemble le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui est le troisième hadith dans le chapitre en question. Et le hadith que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné comme preuve par rapport à ce chapitre-là, dans le troisième hadith, c'est le suivant. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Donc il explique ici le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que Moussa alayhi salam a dit: Ô mon Seigneur, apprends-moi une chose par laquelle je pourrai me rappeler de toi et t'invoquer. Une parole par laquelle je vais pouvoir me rappeler de toi et par laquelle je pourrais t'implorer. Et il a dit, dis, ô Moussa, la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et il a dit, mais tous tes serviteurs disent cela. Mais tous tes serviteurs disent cela. Il a dit, ô Moussa, si les sept cieux, ainsi que ses habitants, et les sept terres étaient dans un des plateaux d'une balance, et que la ilaha illallah était placée dans l'autre plateau de la balance, eh bien la ilaha illallah les aurait fait pencher. La ilaha illallah aurait fait pencher la balance de son côté. Et donc c'est pour dire à quel point cette parole de la ilaha illallah, elle a un poids et qu'elle est extrêmement lourde. Le cheikh, il dit ensuite, maintenant pour expliquer ce hadith, il dit رواه ابن حبان والحاكم صححه فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنية وخبرها محذوف خبرها محذوف تقديره لا إله إلا الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظيرها فهذه كلمة عظيمة فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض. أي نعم. ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Donc ici le Cheikh Abd Rahman ibn Hassan rahimahullah, il explique que là, dans la parole de la ilaha illallah, c'est un la qui est qualifié en arabe de nafiatul iljins, hein, c'est-à-dire que c'est un la qui nie une catégorie, hein, ou un une, ou bien une catégorie ou bien un une espèce, hein, qu'il nie une catégorie ou une espèce, et c'est une négation qui est générale et qui est une négation générale, mais illa qui est mentionné après la ilaha illallah, hein, ça c'est l'exception de cette négation générale. Donc, la ilaha, c'est la négation, et on dit que la ici c'est nafiyatul iljins, et aljins ici c'est ilah, ok. Donc ça c'est pour dire que la négation de tout ce qui rentre dans qu'est-ce qui est un ilah, tout ce qui est une chose qui est adorée, parce que ilah signifie dans la langue arabe qu'est-ce qui est al-ma'boud. Al-ma'boud, c'est-à-dire toute chose qui reçoit de l'adoration ou qui est adorée. Hein? Donc c'est une négation de tout ce qui est adoré. Et le terme, hein, illa, c'est ce qui signifie en français à peu près excepté ou sauf, hein? Sauf ou excepté, c'est ce qui est l'exception en fait. Illallah, hein? Donc excepté Allah ou sauf Allah. Donc ici, de quoi on parle exactement? Du sujet, ou bien plutôt, hein, il dit ici la ilaha illallah. Ici le sujet, ou le plutôt, est-ce que c'est l'objet ou le sujet ici? Khabar. Ici al khabar, et le cheikh explique qu'il est mahzouf, hein, parce que là on a dit que là c'est un la nafiyatul iljins, hein? Et donc la chose qui est niée c'est al-ilah. Al-ilah, on a dit c'est al-ma'bud, ce qui est adoré. Et yani il manque le khabar, en fait il manque le khabar. La ilaha, ilah, il a besoin d'un adjectif, de quelque chose qui le définit ou qui le qualifie, hein? Et c'est ça qui est absent ici. Et c'est pour ça que les ulama expliquent que ce qualificatif ou cet adjectif qui est manquant, eh bien, il est sous-entendu. Il n'a pas été mentionné. Il a été retiré. Pourquoi? Parce que son sens est connu. Donc, puisque son sens est connu, il n'a pas été mentionné. On n'avait pas besoin de le mentionner parce que son sens est sous-entendu et il est connu. Et qu'est-ce que c'est ce sens qui est sous-entendu et qui est connu et qui a été yani enlevé ou qui n'a pas été mentionné? C'est yani bihaq, hein, ou yani comme les ulama l'expliquent, la ilaha bihaqin illallah, ou bien la ilaha haqqun illallah. Donc c'est ça l'adjectif qui manque ici dans la phrase quand on dit la ilaha illallah. La ilaha haqqun, ça c'est le khabar. Haqqun, c'est le khabar. Ou bien bihaqqin. Hein? Le khabar peut être, hein, soit ici un nom comme haqq, ou bien peut être, hein, un jar et un majrour. Hein? Et dans ce cas-là, ça va être bihaqq. Et c'est ça que le cheikh était en train d'expliquer ici, que le taqdir, Hein, qu'est-ce qui est sous-entendu de cette phrase? C'est « La ilaha haqqun illallah ». Hein? Pourquoi? Parce que la preuve de ce taqdir, c'est quoi la preuve? Sur quoi on se base pour dire que l'adjectif qui manque dans la ilaha, que c'est haqq, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il explique cette signification-là dans beaucoup de versets. Et le cheikh, il a donné des exemples de ça. Comme par exemple, le verset 62 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie exactement ce qu'on dit lorsqu'on dit « La ilaha illallah ». Hein? « La ilaha haqqun illallah ». C'est ça le taqdir. Et la preuve de ce taqdir, comme je disais, c'est un des exemples, c'est ce verset. Que il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 62 dans Surat al-Hajj, ceci parce que Allah, c'est lui la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et que Allah, il est le très haut, le très grand. Donc ça, c'est une des preuves, et c'est un exemple qui montre que le taqdir de l'adjectif qui manque dans la phrase, ou qui n'a pas été mentionné dans la phrase, parce qu'il est sous-entendu, et que son sens est connu, hein, c'est, yani, al-haq, ou bien, la ilaha haqqun, illallah, une des preuves, c'est ce verset-là. Parce que c'est Allah, c'est lui qui est la vérité, et ce qui est adoré en dehors de lui, c'est le batil. C'est pour ça qu'on dit illallah. La ilaha haqqun. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de chose adorée par les hommes qui est vraie, excepté qui? Excepté Allah. Et c'est ça la signification. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. C'est parce que c'est Allah qui est la vérité. Donc ça, c'est, ça veut dire illallah. Hein? وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et ça, ça veut dire la ilaha. Hein? La ilaha haqqun. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Et le seul qui est adoré et qui mérite de l'être, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui la divinité qui est vraie. Et c'est lui le seul qui mérite l'adoration. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très haut, le très grand. Donc il dit le shaykh, فَإِلَهِيَّتُهُ تَعَالَى هِيَ الْحَقِّ. Donc la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration, c'est elle qui est vraie. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, eh bien son adoration est fausse. Hein? Ilahiyatuhu, fa ilahiyatuhu batila. Il dit, et il y a plein de versets dans ce sens également dans le Coran. Hein? Il y a beaucoup d'autres versets dans le Coran qui sont dans ce sens-là. Et il dit que cette parole est donc une parole immense, hein? Et c'est l'anse la plus solide, al-urwatul wuthqa, et c'est kalimatul taqwa, la parole de la préservation, de la protection, de la piété, ou à kalimatul ikhlas, la parole de pureté, hein, la parole de pureté. Wa hiya allati qamat biha as-samawati wal ard. C'est la parole sur laquelle a été établi les cieux et la terre. C'est la parole sur laquelle ont été établis les cieux et la terre. Wa shuri'at litakmiliha as-sunnah wal fard. Et que pour la compléter, Allah a légiféré la sunna et l'obligation. C'est pour compléter cette parole de la ilaha illallah que l'obligation et les actes surérogatoires ont été légiférés. Et il dit wa li ajliha jurridat suyuful jihad. Et c'est dans ce but-là, le but d'établir cette parole, que les épées du jihad ont été dégainées. Donc, chacune de ces phrases qu'on vient d'expliquer va être clarifiée et expliquée de façon détaillée. Maintenant, on a lu donc le commentaire, le début de l'explication de ce hadith par le cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il nous a donné un résumé d'Arabe, d'analyse grammaticale de la signification de la phrase de la ilaha illallah, ce qu'on appelle en arabe al-i'rab, et donc il a commencé par ça. Maintenant on va lire les commentaires de Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala à propos de ce hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Donc il dit le cheikh, cheikh al-Fawzan hafidhahullah, il dit قال الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن موسى ابن عمران كليم الله ورسوله إلى فرعون قال لربه يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. لما كانت نعمة الله تعالى على موسى عليه السلام نعمة عظيمة حيث اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه أراد أن يقوم بشكر هذه النعمة لأنه كلما عظمت النعمة عظم الشكر. يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. هذا فيه أن العبادات توقيفية لا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه الرد على المبتدعة الذين يتعبدون لله بما تستحسنه عقولهم أو بما أدركوا عليه آباؤهم وأجدادهم من غير دليل. فإذا كان موسى كليم الله يطلب من ربه أن يعلمه شيئا بذكر يذكره به ويدعوه به فغيره من باب أولى. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre sur le mérite du tawhid et ce qu'il explique comme péché, il explique selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Hibban dans al-Mustadrak, hein, dans son sahih, et dans al-Hakim dans al-Mustadrak. Et il l'a authentifié et Al-Dhahabi a été d'accord avec lui sur ça. Sahahahu Al-Hafiz ibn Hajar. Ibn Hajar l'a authentifié également dans Fath al-Bari. Donc il dit dans ce hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Moussa, le fils de Imran, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, hein, donc qui est Kalimullah, celui à qui Allah s'est adressé, et qui est son messager envoyé à Pharaon, hein. Il a dit à son Seigneur, ô mon Seigneur, apprends-moi une parole que, par laquelle je vais pouvoir t'invoquer, et par laquelle je vais pouvoir aussi, hein, me souvenir de toi. Alors, il dit, ça c'est, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grande grâce à Moussa alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la grâce de l'avoir choisi parmi tous les hommes pour transmettre son message, et il lui a fait la grâce également de lui parler directement et de s'adresser à lui. Donc ça, c'est pas tous les hommes qui ont l'occasion d'avoir cette la grâce de ce privilège, hein, de pouvoir dire que Allah s'est adressé à lui. Donc Moussa alayhi salam, il a reçu d'Allah de ces grâces immenses là, et donc étant donné que il a reçu, hein, des grâces aussi grandes, eh bien il faut que la reconnaissance qui s'ensuit soit également, hein, grande elle aussi. Il faut que la reconnaissance et le remerciement de ces grâces soient aussi grandes. Alors comme le cheikh il explique, plus la grâce est grande, plus la reconnaissance doit être grande également. Et il a dit ici, ô mon Seigneur, apprends-moi une chose par laquelle je vais pouvoir, hein, me rappeler de toi et je pourrai t'invoquer. Et il y a dans cette parole, hein, le fait que on peut comprendre que les adorations sont tawqifiyah. Les adorations sont tawqifiyah, ce qui signifie que les adorations doivent être basé sur l'épreuve des textes de la révélation, hein. Et on ne doit pas, comme le cheikh il explique, il n'est pas permis de s'avancer dans les adorations en faisant des choses, excepté si c'est selon l'ordre et le commandement d'Allah. Et ça, il y a dans ça une réfutation des innovateurs, des gens de bid'ah, qui essaient d'adorer Allah, hein, par ce que leur esprit, ce que leur intelligence ont elles-mêmes trouvé comme étant acceptable ou bonne, ou parce que les gens ont trouvé leurs parents ou leurs grands-parents en train de pratiquer comme adoration, sans qu'elle soit fondée ou basée sur des preuves de la charia. Donc quelqu'un, il dit par exemple, « Oh, moi je trouve que cette adoration-là, elle est bien. Hein? » Il se base sur sa logique ou sur sa raison ou sur son intelligence, sans se référer au texte. Donc ça, c'est inacceptable. De la même manière que celui qui se base sur ce qu'il a trouvé ses ancêtres en train de pratiquer, ou ses parents ou ses grands-parents, et qui dit, moi j'ai trouvé mes parents en train de faire telle ou telle adoration, donc moi je continue à la faire comme eux la faisaient. Mais il ne se pose pas la question, est-ce que cette adoration-là que ses parents, hein, faisaient, est-ce que cette adoration-là était fondée sur des preuves de la charia, ou c'était uniquement quelque chose qu'ils ont innové eux-mêmes? Et donc, dans ce cas-là, c'est ça ce que le cheikh explique ici, c'est que l'adoration ne peut pas être acceptée de cette manière. Il faut absolument que notre adoration soit établie sur des preuves révélées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou dans la révélation dans la Sunna. Et ça, c'est la même chose également pour les prophètes précédents. C'est-à-dire que les prophètes qui nous ont précédés dans les nations qui ont été dans ce monde avant nous et qui ont reçu des messagers avant nous, eh bien, ils avaient la même obligation et le même respect, hein, envers les questions d'adoration. Ils devaient, eux aussi, se baser sur ce qui est révélé et non pas sur, hein, leur propre raison ou sur la révélation, les coutumes ou les pratiques de leurs ancêtres, sans se référer à la révélation. Après, le cheikh, il dit, donc si c'était le cas de Moussa alayhi salam, celui à qui Allah s'est adressé, si on voit que ce grand messager d'Allah demandait à son Seigneur de lui apprendre une chose par laquelle il pourrait se souvenir de son Seigneur et par laquelle il pourrait l'invoquer. Si lui, ce messager-là, demandait ça à Allah, alors que dire de d'autres personnes, hein? Que dire des autres qui sont en dessous de ce messager, parmi les fidèles ou parmi les croyants? Ils doivent, dans ce cas-là, eux aussi encore plus, se référer à la révélation, puisque le messager lui-même, hein, n'osait pas inventer ou faire des choses dans la religion sans savoir que cette chose-là était agréée d'Allah ou légiférée par Allah lui-même. Donc si c'est le cas du messager, alors ça doit être la même chose pour nous et encore plus. Le cheikh, il dit ensuite, وفيه أن الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله لهم كما قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فإذا كان الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله عز وجل وإلى تشريع الله لهم العبادة فكيف بغيرهم ممن يبتدع البدع ويتقرب بها إلى الله ويظن أنها تنفعه عند الله وأنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى الشرع كما يفعله المبتدعة. Donc le cheikh explique, il y a également dans ça le fait que les prophètes ont besoin que Allah leur enseigne des choses, hein? C'est la preuve ici. Et il dit, comme on voit, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne à son messager, de dire, augmente-moi, ô mon Seigneur, augmente-moi en science, hein, ajoute-moi du savoir, ajoute-moi de la connaissance. Ça, c'est le verset 114 dans Surat Taha. Et il dit, وَقَالَ اللَّهُ لَهُ, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, et la grâce d'Allah sur toi était certes immense. Donc ça, c'est encore des preuves dans la révélation qui montrent que les prophètes d'Allah ont besoin que Allah leur enseigne des choses, hein, et qu'ils prennent leur connaissance d'Allah, hein, directement d'Allah, contrairement aux autres personnes parmi les êtres humains, en dehors des messagers et des prophètes, qui eux ne peuvent pas justement apprendre directement d'Allah parce qu'ils ne sont pas des messagers ou des prophètes. Ils ont besoin de la connaissance que les prophètes nous transmettent, hein, contrairement à certains égarés parmi les soufis, hein, qui eux prétendent qu'ils n'ont pas besoin des prophètes et qu'ils prennent leur connaissance directement d'Allah. Donc c'est comme s'ils étaient en train de prétendre indirectement être des prophètes eux-mêmes, ou comme certains le disent malheureusement, hein, qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les prophètes parce qu'ils sont des soi-disant des awliya, hein, ou des philosophes, ou des, hein, des gens comme ça. Donc ça, c'est de l'égarement total, hein, puisque c'est clair que les messagers et les prophètes, eux, ils reçoivent leur science directement d'Allah, et par conséquent on est obligé de passer par ce qu'ils nous ont laissé comme connaissance pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne peut pas, hein, s'échapper de ça. Et donc c'est pour ça qu'on doit comprendre comme il faut certaines personnes qui ont mal compris que dans l'islam, c'est vrai qu'on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, mais ça c'est dans ce qui a trait à l'adoration, c'est-à-dire que lorsqu'on adore Allah, il ne doit pas y avoir entre nous et Allah d'intermédiaire dans l'adoration. On n'a pas à passer par quelqu'un ou par quelque chose pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer. Mais en ce qui concerne la transmission du savoir et de la connaissance de la religion et de la manière d'adorer Allah, ça, dans ce cas-là, ici, il faut absolument, hein, se référer à l'intermédiaire qui est le messager et le prophète, hein, qui lui-même a reçu la révélation par l'intermédiaire d'un ange, hein, ou si c'est comme par exemple l'exemple de Moussa alayhi salam, à qui Allah s'est adressé directement, hein, qui a reçu le message d'Allah directement. Hein. Dans des cas comme ça, oui, hein, ça on a besoin d'un intermédiaire pour connaître la religion, parce que personne, hein, n'a une révélation d'Allah excepté les prophètes et les messagers d'Allah. Donc ça, c'est très important de faire cette distinction là. Et le cheikh, il dit ici donc que si les prophètes, eux, ont besoin d'enseignements venant d'Allah, et qu'ils ont besoin que Allah légifère pour eux les actes d'adoration, alors que dire des autres parmi les croyants, hein, parmi ceux qui, par exemple, innovent des innovations ou inventent eux-mêmes des formes d'adoration innovées, ça c'est des choses par lesquelles ils cherchent à se rapprocher d'Allah, mais qui n'est fondée sur aucune preuve de la révélation, et qui pensent que cela peut les profiter auprès d'Allah, hein, et qui n'ont pas besoin de revenir à la législation divine, hein, comme le font les innovateurs. Donc ça, c'est clair que c'est de l'égarement, comme on l'a dit tout à l'heure. Il dit, وَقَوْلُهُ أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ هَذَا فِيهِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ ذِكْرٌ وَأَنَّهَا دُعَاءُ عِبَادَةٌ لأن الدعاء على قسمين دعاء عبادة وهو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله عز وجل فالذكر دعاء عبادة قال الله عز وجل قل يا موسى لا إله إلا الله أرشده وعلمه أن يذكره ويدعوه بلا إله إلا الله فدل ذلك على أنها أعظم الذكر لأنها كلمة الإخلاص والعروة الوثقى لأنها جمعت بين النفي والإثبات نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل مع قلة ألفاظها واختصارها وخفتها على اللسان فهي كلمة عظيمة علمها الله تعالى لموسى عليه السلام. Donc le cheikh il explique comme il dit que lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui apprendre quelque chose, il lui a dit: apprends-moi une chose par laquelle je vais pouvoir me souvenir de toi, faire ton rappel, et par laquelle je vais pouvoir t'invoquer aussi. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique hafidhahullah qu'il y a donc dans cette parole de la ilaha illallah un dhikr, c'est-à-dire un rappel d'Allah, et donc c'est une invocation qui consiste à ou qui contient une adoration pour Allah, parce que on peut diviser les invocations en deux catégories, l'adoration, le doua de l'adoration, et le doua le doua de l'invocation, et le doua l'invocation de l'adoration et l'invocation de du rappel, ou bien de la glorification. Donc ici le cheikh il mentionne donc c'est ça, donc les catégories de doua, c'est le doua d'adoration et le doua de la demande. Non, c'est ça. Donc là, je me rappelais plus de la deuxième catégorie. Donc c'est ça. Doua ou mas'ala. Donc le cheikh il le mentionne justement. Il dit ad-du'a ala qismayn, du'a ou ibada. Wa huwa ath-thana'a 'ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa du'a mas'alatin wa huwa talab al-hawa'ij min Allah. فالذكر دعاء عبادة. Donc c'est ça. Il dit ici que le doua peut être de deux catégories, le doua d'adoration, et le doua d'adoration, ça signifie quoi? Ça signifie que tu invoques Allah dans le sens que tu vas le glorifier et tu vas faire son éloge en mentionnant ses noms et ses attributs. Et l'autre catégorie de doua, de l'invocation, c'est l'invocation qui est une demande. Donc du'a mas'ala, quand tu demandes à Allah quelque chose, et donc le fait de dire la ilaha illallah, ça rentre dans laquelle des deux? Ça rentre dans laquelle des deux formes de du'a? Ça rentre dans le du'a de l'adoration, du'a ibada. Pourquoi? Parce que tu fais l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et la glorification d'Allah en disant que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc c'est une forme de dhikr, et le dhikr ça rentre dans l'adoration d'Allah, ça rentre dans l'adoration d'Allah. Donc ici le cheikh il dit qala Allah azza wa jal qul ya Musa la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu à Musa en lui disant: dis ô Musa, la ilaha illallah. C'est-à-dire cette parole que tu me demandes, par laquelle tu pourras me faire mon rappel et par laquelle tu pourras m'invoquer, eh bien c'est la parole que tu dois dire, c'est la ilaha illallah. Donc il l'oriente, il lui enseigne de faire son rappel et de l'invoquer par la parole de la ilaha illallah. Et ça c'est ce qui nous montre la grandeur de l'importance de ce dhikr, de ce rappel, et que c'est la parole de la pureté et lance la plus solide, et elle contient ou elle réunit en elle la négation et l'affirmation. La négation de quoi? La négation du shirk, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et l'affirmation de quoi? L'affirmation du tawhid, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité d'Allah. Il dit malgré le peu de lettres et le peu de mots que cette phrase contient, et le fait que cette parole soit résumée et qu'elle soit légère à la langue, elle est une parole immense et extrêmement lourde en signification et en conséquence et en sens. Et c'est pour cette raison-là qu'il a enseigné à Moussa alayhi salam cette parole. Et il dit wa fi qawlihi ta'ala qul ya Moussa la ilaha illallah annahu la budda min an-nutqi bi la ilaha illallah لأن الله تعالى قال قل وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فلا يكفي أن الإنسان يعترف بها في قلبه دون أن يتلفظ بها. Donc le cheikh explique que dans ce hadith on a également une preuve qui indique que il faut prononcer cette parole de la ilaha illallah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, dis au Moussa la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné en disant qul, et qul en arabe ça vient du verbe qala yaqulu, qui veut dire de dire, et dire ça implique de prononcer, hein, ça signifie de prononcer cette parole. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, dans le hadith qui est célèbre, dans lequel il a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Donc il n'est pas suffisant de reconnaître la véracité de cette parole dans notre cœur, hein, uniquement, et de dire dans notre cœur qu'on croit en cette parole, mais il faut la prononcer. Donc si quelqu'un se limite à le dire dans son cœur seulement, ou à le penser, c'est pas suffisant, il faut le prononcer avec la langue, hein, absolument. Et le cheikh il dit ensuite فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَبِّهِ يَا رَبْ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يريد أن يخصه الله بشيء يذكره به لأن نعمته عليه أعظم فهذا فيه تيسير هذه الكلمة وأن غالب الخلق يقولها والشيء إذا عظمت الحاجة إليه يسره الله عز وجل فلما كانت البشرية بحاجة إلى هذه الكلمة يسرها الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, et que Moussa alayhi salam il a répondu à son Seigneur, ô mon Seigneur, mais tous tes serviteurs disent cette parole. Hein? C'est-à-dire ils disent tous la ilaha illallah, ou tous tes serviteurs, tous les croyants disent la ilaha illallah. Et même parfois des mushrikines, hein? Et parfois ils acceptent même de dire la ilaha illallah. Hein? Comme on l'a dit, comme on l'a expliqué, certains ils le disent puis ils contredisent en action. Et le cheikh il dit, il veut dire que Moussa alayhi salam, il espérait que Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne une parole qui lui soit particulière et par laquelle il aurait pu se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon spécifique, hein, qui lui est exclusive ou qui lui est personnelle. Mais il dit le cheikh que, étant donné que, parce que la grâce d'Allah était tellement grande sur Moussa alayhi salam, qu'il espérait que la parole qu'il allait lui enseigner allait être quelque chose d'exceptionnel, hein, de différent. Mais le cheikh il dit que ça nous montre en réalité la facilité de cette parole, et que la majorité des êtres humains la prononcent justement, et lorsqu'une chose est importante et lorsqu'une chose est grande, eh bien il y a un plus grand besoin pour cette chose-là, et donc Allah la rend plus facile. Lorsque quelque chose, son besoin est plus grand, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala la rend plus facile et il la facilite. Et lorsque l'humanité a un grand besoin de connaître cette parole de la ilaha illallah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité et l'a rendu, hein, plus simple. Et c'est pour ça que tu vois que même des gens parfois qui sont pas arabes, quand ils veulent se convertir à l'islam et qu'ils prononcent cette parole, ils sont capables de la prononcer facilement parce qu'elle n'est pas difficile à prononcer. La ilaha illallah. Hein? Très, très simple et très facile à prononcer, et elle est courte en même temps. Ce n'est pas qu'un texte d'une page qu'on a besoin de prononcer. Une phrase très, très courte et très simple et très, hein, très résumée. Donc le cheikh il dit ensuite, ثم بين الله عز وجل عظمة هذه الكلمة وأنها لا شيء أعظم منها. Une fois j'entendais justement des juifs dans une vidéo sur internet, il y a des juifs qui commentaient en France, ils critiquaient l'islam en disant que la façon de se convertir à l'islam, elle était trop facile et que c'était pas comme si que c'était pas quelque chose pour eux, c'était comme considéré que c'était pas juste, hein, que quelqu'un puisse se convertir à l'islam aussi facilement. Pourquoi? Parce que eux, dans leur religion, ils ont fait la conversion une chose extrêmement compliquée et même parfois qui est même mal vu ou déconseillé parfois même. Allah al-Musta'an. Ils vont par exemple, lorsque quelqu'un vient pour se convertir, ils vont la refuser en premier. Et ils disent que c'est comme un genre de rituel, il faut que la personne revienne trois fois. La première fois, il vient et demande, on lui refuse la deuxième, et il revient à la troisième, puis là après il l'accepte. Supposément que hein, c'est de cette manière qu'ils font. Donc c'est pour dire, eux, ils acceptent pas hein, cette facilité dans l'islam qu'il y a de se convertir. Mais, alhamdoulillah, la religion de l'islam, elle est simple, elle n'est pas compliquée, et elle n'est pas difficile à comprendre non plus, et elle n'est pas non plus difficile à pratiquer. C'est une religion que Allah subhanahu wa ta'ala a rendue facile, justement pour le besoin, parce que l'humanité a besoin de cette religion. Hein? Donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue facile. Et le cheikh il dit: ثم بين الله عز وجل عظمة هذه الكلمة وأنها لا شيء أعظم منها فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي السبع الطباق وساكنهن غير الله لأنه في السماء أي في العلو ففي هذا إثبات علو الله عز وجل على عرشه في السماوات يعني على السماوات هذا إذا أريد بالسماء المبنية فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على بابها أما إذا أريد بها السماوات المبنية فإن في تأتي بمعنى على لأن الله عز وجل ليس في شيء من خلقه بل هو أعظم من كل شيء ففي قوله تعالى أأمنتم من في السماء أريد بالسماء المبنية معناها على السماء كما في قوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذور النخل. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique ici, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la grandeur et l'importance de cette parole et qu'il n'y a rien plus grand que cette parole en importance et en poids. Et il lui a dit donc, ô Moussa, si on prenait les sept cieux et tous ses habitants en dehors de moi ou autre que moi, et c'est-à-dire les sept cieux qui sont placés les uns par-dessus les autres, et les habitants de ces sept cieux, autre que Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans les cieux, il est au-dessus des cieux. Et lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, alors dans ce sens-là, c'est dans le sens qu'il est au-dessus des cieux et non pas à l'intérieur du ciel lui-même. Parce que dans la langue arabe, le cheikh il explique que fi, dans, peut aussi signifier sur. Donc il explique que dans cette parole, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus de la création, au-dessus des cieux. Et il dit, et si on veut dire par les cieux qui sont construits les uns par-dessus les autres et créés par Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il signifie la hauteur, si on veut, ou plutôt les cieux créés au-dessus de nous, dans ce cas-là, il faut comprendre que d'un signifie plutôt sûr et non d'un. Mais si on veut dire par as-sama l'autre sens de ce que signifie as-sama dans la langue arabe, qui est les hauteurs, hein, ou l'élévation, parce qu'on utilise le terme sama en arabe pour désigner le ciel, ou bien on l'utilise aussi pour désigner tout ce qui est en haut. Hein? Donc on dit par exemple as-sama bima'na al-ulu, hein? C'est-à-dire qu'est-ce qui est au-dessus de nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, wa nazzalna min as-sama'i ma'an. On a fait descendre, hein, du ciel une pluie. Mais on sait que la pluie ne tombe pas du ciel. La pluie tombe des nuages, mais les nuages sont dans le ciel, hein, donc il dit, hein, la pluie qui tombe du ciel. Et c'est pour désigner tout ce qui est au-dessus, hein. On l'appelle donc as-sama, tout ce qui est au-dessus de nos têtes, on l'appelle en arabe as-sama, même si c'est au-dessus du ciel aussi. Et donc c'est dans ce sens-là que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les cieux, hein, ça veut dire il est au-dessus des cieux. Et ici, quand il dit fis sama, eh bien, si on parle des cieux qui sont construits ou fabriqués, bien dans ce cas-là, le terme fi est employé dans le sens de ala, et ça c'est connu dans la langue arabe. Les Arabes ont l'habitude d'interchanger, hein, ces prépositions, et donc on utilise parfois la préposition fi dans le sens de ala, et fi qui signifie dedans ou dans, qui peut avoir parfois le sens de sur, qui veut dire ala, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas à l'intérieur d'aucune de ces, ou de quoi que ce soit de ces créatures, hein, il est au-dessus de ces créatures, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande, hein, et c'est lui le plus grand, il n'y a rien qui est plus grand que lui. Hein? Donc aucune de ces créatures ne peut le contenir. Il est plus grand que tout et il est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 16 dans sourate Al-Mulk, a amintum man fis sama, hein? C'est-à-dire sentez-vous en sécurité que celui qui est dans les cieux. Ici, si on parle des cieux qui sont fabriqués, qui sont construits par Allah subhanahu wa ta'ala, les uns par-dessus les autres, hein, qui ont été créés par Allah, alors dans ce cas-là, c'est dans le sens de al-sama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Donc vous sentez-vous en sécurité que celui qui est au-dessus des cieux, hein. Et ici ensuite il dit également dans le verset 137 dans sourate Al-Imran, fasiru fil ard. Ça c'est un autre exemple pour comparer et pour montrer comment dans la langue arabe les Arabes employaient parfois, hein, les prépositions de manière interchangeable, comme par exemple ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit fasiru fil ard, hein, c'est-à-dire alors parcourez, hein, la terre, hein, ou bien voyager sur la terre. Mais il utilise la préposition fi qui veut dire dans, et bien entendu ça ne veut pas dire de rentrer à l'intérieur ou de s'enfoncer dans la terre ou de voyager à l'intérieur de la terre. Non, ça veut dire circuler au-dessus de la terre, c'est-à-dire parcourir la terre, hein. Donc fi dans le sens de ala al-ard. Et également dans le verset 71 dans sourate Taha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, la usallibannakum fi juzu'in nakhli, hein, je vais vous crucifier dans, hein, fi juzu'in nakhl. Fi ici ne signifie pas dans, mais plutôt sur, hein, des troncs de palmiers, hein, sur les troncs des palmiers, et non pas dans les troncs des palmiers. Parce que à l'intérieur des palmiers, ça c'est pas le sens qui est voulu. C'est dans le sens qui est voulu ici, c'est sur les palmiers, sur les arbres. Donc, on voit comment parfois l'emploi de la préposition ici fi est dans le sens ou utilisé dans le sens de ala. Donc tout ça pour expliquer que quand ici il dit dans le hadith en question wa amirahunna ghayri, hein, et tout ce qu'elle contient comme habitant autre que moi, c'est dans le sens d'établir le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans sa création et qu'il est au-dessus de sa création. Il dit wal aradin as-sab', hein, wal aradin as-sab', c'est-à-dire les sept terres, les sept cieux. De la même manière qu'il y a sept cieux, il y a également sept terres. Il dit wa hada fihi an al-ard sab'at tabaqat, sab'at tabaqat, wa anna kull tabaqatin laha sukkan kama anna as-sama'a tabaqat wa kull tabaqatin laha sukkan min al-mala'ika. ويدل لهذا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع. كذلك في الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوق الله يوم القيامة من سبع أراضين. Donc, le cheikh explique que de la même manière que les cieux sont en différents étages superposés, il dit que les terres sont également en sept terres superposées aussi, hein, composées d'étages, et que dans chacune de ces étages il y a des habitants. Et comme dans les cieux il y a différents étages qui ont des habitants parmi les anges, eh bien les sept terres aussi ont chaque étage ont des habitants aussi. Et il dit la preuve de ça, c'est dans le verset 12 dans Surat At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah est celui qui a créé les sept cieux et parmi les terres un nombre égal à celle-ci, hein, c'est-à-dire sept. Et il dit, c'est ainsi donc qu'il est rapporté également dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque s'est coupé une certaine distance de la terre de quelqu'un de façon injuste, hein, c'est-à-dire quelqu'un s'est approprié de la terre de quelqu'un d'autre, d'une courte distance, même si c'est juste une courte distance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui accrocher, hein, au jour de la résurrection, de sept terres, hein, de sept terres, c'est-à-dire la hauteur de tous les étages superposés des sept terres vont être réunis et vont lui être accrochés au cou au jour de la résurrection. Il y en a comme châtiment. Et il dit وَعَامِرَهُنَّ أَيْسَاكِنَهُنَّ فِي كِفَّةِ يعني في إحدى كفتي الميزان لا إله إلا الله في كفة يعني في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بالسماوات والأرض ومن فيهن من السكان إلا الله عز وجل في السماء فهذا في فضل لا إله إلا الله وأنها لا يعادلها شيء وفيه شاهد للباب فضل التوحيد وأنه يعدل السماوات والأراضين ومن فيهن من السكان فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة لأنها أعظم الذكر ولأنها ترجح بالسماوات والأراضين ومن فيهن. Donc ici le cheikh il explique la fin de ce hadith là en expliquant que ses habitants, hein, c'est-à-dire les sept cieux et les sept terres et ses habitants, ce qu'ils contiennent comme habitants, seraient sur une des plateaux d'une balance, c'est-à-dire d'un côté de la balance. Et que dans l'autre côté, de l'autre plateau de cette balance, on plaçait la parole de la ilaha illallah, eh bien, ici le cheikh explique que la ilaha illallah serait plus lourd dans la balance que les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'elles contiennent comme habitants. Hein? Et il dit, il y a donc ici dans ça, l'explication qui nous montre la valeur et le mérite de la ilaha illallah, et qu'il n'y a rien qui soit égal à cette signification-là. Et donc ça, c'est le point qu'on essaie d'établir comme preuve justement dans ce chapitre. Le mérite et l'importance et l'excellence et la supériorité du tawhid. Hein? Et que la parole du tawhid elle-même est équivalente ou plus lourde que les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a dedans comme habitant. Et donc, il faut donc que le musulman répète cette parole constamment, hein, et qu'il la dise constamment. Et ils disent, parce que c'est une parole extrêmement importante et grande, et que c'est le plus grand rappel par lequel on peut se rappeler d'Allah, et qu'elle fait pencher la balance de son côté, hein, même si l'autre côté de la balance contient les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a dedans. Donc elle est plus lourde que ça, hein, elle est plus lourde que tout ce que c'est tout ce que le monde entier, l'univers contient. Subhanallah. Donc ici, c'est la fin de cette explication de ce hadith. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain on continuera l'explication de la suite de la parole du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan lorsqu'il fait l'i'rab de la parole de la ilaha illallah, hein, c'est-à-dire l'analyse grammaticale de la signification de cette phrase-là. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, hein, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on s'arrête ici inshallah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.